Oui, aujourd'hui, le lundi 17 juin 2019, monte le volume et hume la différence car c'est parti mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! C'est nous, c'est moi, c'est toi. Notre votreleur, Matassa, nos voleurs. Bon, t'es connu par cœur. Hein? Je suis allé à l'école très longtemps. Tellement longtemps. Non, mais c'est presque la réalité. J'ai franchi l'école. Et j'y ai pénétré tellement longtemps que je me rappelle même plus le moment précis où j'ai été un potache. Un potache. Qu'est-ce que c'est qu'un potache? Ben, t'as pas été à l'école assez longtemps. Mais je tiens à vous rassurer, même mon professeur de français au collégial ne savait pas, ne connaissait pas le mot potage. C'est moi qui lui ai inculqué, c'est moi qui lui ai appris. Dans un de mes textes, dont je ne raconterai pas trop la tenue parce que je ne m'en rappelle plus vraiment, j'ai utilisé le mot potage. Bien sûr, ça a été entouré en rouge. Le professeur m'a demandé de le rencontrer pour m'expliquer ce que voulait dire le terme potache. Au lieu de regarder dans le dictionnaire, il voulait que ça vienne de moi. J'ai expliqué. J'ai même montré dans le dictionnaire. Il a été omnibulé. Et quelques semaines avant, je lui avais, parce que je lui parlais souvent, je le rencontrais dans les halls du collège du Cégep. Et nous discutions de plein de choses. J'adorais ce professeur-là. C'était un gars bien allumé, intéressant, intelligent. Et il m'avait même raconté sa vie privée. Et en fait, quelques années plus tard, j'ai su, en faisant deux thérapies, que ce professeur-là cherchait son fils et me voyait à travers lui. Donc j'ai été, comme je vous l'ai dit depuis tantôt, privilégié de discuter avec lui. Et j'ai eu un cursus très particulier puisqu'il m'a demandé de ne pas suivre le syllabus de début de la session. Il voulait qu'on fasse un cheminement privé, c'est-à-dire que je lui envoie des textes puisque ce qui l'avait intéressé, c'est la réponse en début de session. Êtes-vous pour ou contre le retrait de 1,5 points par faute jusqu'à concurrence de 20 pour ce qui est des études collégiales? Et j'étais très virulent, un peu comme à la manière de Pierre Bourgault. Ça l'avait beaucoup intéressé. Et il m'avait demandé de raconter un peu plus ce que j'avais comme idée sur ce sujet-là. Et puis, ben écoutez, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. C'était pour arriver uniquement à la chanson. Ah! Tout ça pour ça, mais ça valait la peine, vous allez bien l'entendre. L'émission n'est pas commencée encore. Ça promet. Ça risque d'être drôle là, dans les prochaines heures, prochaines minutes. Ne vous en faites pas. Drôle dans le sens de bizarre. Beside you, my only son, and this is close to me. Depuis bien des années, les restaurants de mets rapides nous habituent à des menus trios ou même des duos, c'est-à-dire le burger, parce qu'on parle de magasin, de restaurant rapide, hein. On parle de burger, mais j'ai même vu un restaurant qui se fait appeler un restaurant rapide où l'on peut manger des... comment t'appelles ça? Non, attendez un peu. Vous savez, du poisson, là, avec du riz, là. Ouais, vous l'avez. Vous l'avez, c'est moi qui ne l'ai pas. Exactement, c'est rond. Oui, sushi! Sushi! Sushi, hein, après du poids. Sushi! Alors là, c'est pas des sushis. Il existe au Québec des restaurants de sushis mais rapides. Bon. Il me semble que ça prend du temps, mais ça doit être déjà préparé. Peu importe. Peu importe! Moi, c'est pas les sushis, c'est le burger qui m'intéresse. L'histoire, c'est tout simplement pour vous dire qu'il y a des duos puis il y a des trios. Duo, normalement, c'est burger, boisson gazeuse. Hein? Boisson, breuvage. Non, breuvage, pas boisson gazeuse, breuvage. Puis normalement, la dame qui dit breuvage, ben, elle dit pas breuvage. Hein? Elle dit comme breuvage. Hein? Comme breuvage. Écoutez, je vais vous prendre une bière. On n'a pas ça ici. Pas de la bière ici, là. C'est pas un bar, monsieur, là. C'est un restaurant. D'accord. Alors, je vais vous prendre un jus de pêche fraîchement pressé. On n'a pas ça ici. Voyons donc. C'est pas de l'alcool? Non, mais ça, c'est pour des grands restaurants. Voyons donc. J'ai un jus de pêche fraîchement pressé. On presse à rien. On est pressé. Là, vous faites attendre le monsieur en arrière. La dame avec ses enfants, là, elle sait plus quoi faire. Là. C'est bien beau être compliqué. Vous êtes ici dans un restaurant de mets rapides. Alors, prenez ce que la majorité des gens prennent. Oh, ouais, là, j'avais reçu une claque. Dans mon côté underground, dans mon côté singulier. Bon, vite comme ça, madame, là, qu'est-ce que les gens boivent? Ben, normalement, là, c'est une boisson gazeuse. Je peux pas la nommer, mais brune. Une boisson gazeuse brune. Bon. Alors, je vais vous en prendre une. D'accord. Alors, voulez-vous quel format? Ben, un grand format, mais pas de glace. Bon, une autre affaire, pas de glace. On met toujours de la glace, nous. Ben oui, mais madame, moi, j'en veux pas. Parce que d'un, c'est de la bière en fontaine. Rien à voir avec la belle Brigitte, là. Parce que c'est dilué avec l'eau, tandis que Brigitte ne se dilue jamais, même dans l'eau. Essayez de diluer Brigitte Fontaine dans l'eau, ça fonctionne pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle veut rien savoir. Déjà là, quand tu te constrains, quand tu te mets en boule, quand tu t'es constricté, tu te défras jamais. Comme disait Clémence, quand la saucisse brûle, le boudin se défait. Mais avec Brigitte Fontaine, le boudin se défait jamais parce que la saucisse ne brûle jamais. Alors, donc, je vais vous prendre une boisson gazeuse brune. Toujours pas de glace, madame. Vous êtes tellement gentille et agréable que je vais revenir la semaine prochaine. Elle a dit, vous n'êtes pas obligée? Ben là, madame, est-ce que je vous empêche de vivre? Ben là, depuis que j'ai de vous voir, mon petit monsieur... déjà là, le petit monsieur n'est pas de bonne humeur, là. Mon petit monsieur, je crois que je risque de faire de l'urticaire. Alors, c'est du morse. maman, ça n'existe plus le morse. Ah, oh, vous êtes brillante, madame. Mais prenez-vous pour une... Je vous prends pour absolument pour la meilleure femme au monde, la fille la plus intelligente, la plus brillante. Mais écoutez, au moins, c'est très simple. Moi, c'est un burger. Alors, dans mon burger, je vais déjà vous dire, c'est oignon cru, qui l'eut cru... oignon cru et ketchup. Rien d'autre. Ben, deux pains et puis une boulette, là. Puis la boulette, j'aimerais ça que ce soit du steak haché. Je veux pas que ce soit du VG, steak VG, là. Je m'en veux pas tant que ça, ben. Je m'aime un peu, là. Je me sens pas aussi désintéressé d'un... T'sais, quand tu t'en vas pour manger un burger... Tu sais ce que ça va te donner, un burger, hein? comme qualité de nutrition. Tu sais, t'es pas à zéro pointé vers l'infini, comme le chantait Serge. Alors, est-ce qu'on peut avoir de la boulette et non pas une simili-boulette végétale à 7,95 quand la boulette ordinaire est à 2,5 $? Puis du tofu, non merci. Alors, pourquoi je vous parlais de duo et de trio? C'est que, ben, deux c'est bien, mais trois c'est mieux. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elles me bottent. J'parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans terrain vague, j'vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, j'te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. M'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson mecton, il est pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te chouraverai ton blouson. Moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tu as le même blue jean que James Dean, tu arrêtes ta frime. J'parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. M'a filé une beigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est que quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être un gay en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote. Pouvez-vous la tenir en joue? En joue ou sur la joue? Tenez-la, c'est comme à l'école, on te tenait par la joue. Tu vas rester ici, toi, mais si tu me tiens juste par la joue, là, je risque bien de partir. Là. Faut pas que tu me tiennes par là. Là. Ce serait peut-être un poignet ou une jambe, mais la joue, je peux m'en aller facilement. Là. Mais, tu sais, dans ta tête de petit, quand on vient par la joue, c'est du sérieux, là. Mal dire à ma maman. À l'époque, c'est pas ça, là. Montre-moi tes doigts, puis tu savais que la règle allait pas arriver, là. Pouah! Montre-moi tes doigts. Oh non. Pourquoi? Mais je sais que vous allez me donner un coup dessus. Dessus les doigts ou dessous? Mais si c'est dessous, je sentirais rien. J'aimerais bien que ce soit dessous. Non, c'est dessus! T'sais, c'est sauvage un peu, hein? À cette époque-là, c'était sauvage. Hein? Puis là, quand tu dis c'est dessus! Pow! Le coup de règle! Fait qu'un soir, j'avais eu un coup de règle. Parce que je ne voulais pas admettre que Nietzsche avait tort. Tu remets en question Nietzsche. Là. Ça fait longtemps que j'en parle de Nietzsche. Moi, j'ai pas beaucoup. Tu sais, ma neurone contient juste deux savoirs. C'est Nietzsche d'un côté, là, pis Charles Bukowski dans un autre. Pis après ça, ben, c'était un flou, là. Un flux. Il y a Margaret Duras, il y a d'autres amandes, là. Il y a Dean Martin, il y a Jean Renoir, il y a Jean-Luc Godard, il y a Rénal Gagné, il y a Marguerite Duras, il y a Gérard Depardieu, ils sont ensemble, eux autres. Il y a Barbara, en parlant de la clique, Gérard Depardieu, Barbara, c'est une clique. Faut jamais remettre les cliques en question. Sinon, c'est la prison. T'sais, ils sont soudés, eux autres sont soudés. Là, vous allez me dire, ouais, mais Barbara est plus là. C'est pas important! La présence terrienne n'est pas importante. Elle est dans le cœur. Elle est dans le cœur de Gérard. Là. Elle n'est pas n'importe où dans le cœur de Gérard. Le grand, c'est... Puis en plus, elle est le cœur de Gérard. C'est pas un petit, là. C'est un immense. Il est immense, ce cœur-là. Ça va avec le gars. C'est... Elle t'a de la misère. Non, mais j'allais dire, c'est pas proportionnel à la majorité. C'est pour ça que c'est une vedette. C'est quelqu'un qui sort du lot. C'est la poulette grise qui a pondu dans l'église. Elle a pondu le petit coco. Comment s'appelle notre personnage qu'on doit endormir? Hein? Vite comme ça, là. Oui, excusez-moi, j'ai eu une crise d'allergie assez intense là, pendant la musique. Je suis allergique au printemps, à l'été, à l'automne et à l'hiver. Des crises comme ça, ça arrive là, sans que ça soit... C'est pas prémédité, Madame Thibodeau. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. C'est jamais... Moi dans mon cas, il n'y a rien de prémédité. Là, j'ai le nez tout à fait bloqué, là. Et puis... Mais là, c'est vrai, hein. Je vais vous expliquer un peu. Non, pas... On va faire un bilan. Un bilan de santé. Non, non, non, non, non, non. Mais j'ai déjà, il y a plusieurs années, j'avais... Il n'y a pas si longtemps, là, plusieurs années, il y a quelques temps, quelques heures, j'avais 19 ans. Et je souffrais d'allergie intense et j'ai rencontré un professionnel. Et donc, il m'a dit, ben, vous êtes allergique à il fait la nomenclature. Bon. Alors, on peut vous désensibiliser. À l'époque, c'était le début de la désensibilisation. Avant ça, on n'en faisait pas. On donnait de la médication. Bon. Alors, on m'a dit, voulez-vous collaborer à la recherche? Ben, j'ai dit, OK, pourquoi pas. Hein? Puis actuellement, là, madame, mademoiselle, j'offre mon corps à la science et à tous les gens qui veulent expérimenter. Donc, je suis là pour... Et sinon, je m'en vais voir, on me délègue un médecin, le familier, j'avais pas de médecin, moi. Là. Et je le rencontre, il me dit, ouais, OK, j'avais mes burettes, il y a 3 burettes. Je sais pas si ça a changé à l'époque, depuis ce temps-là, mais j'avais 3 burettes. Et donc, on commence très, très, très relax, là, avec... quand je te dis très relax, là, c'est comme dans une clinique freudienne, là. Tu sais, tu rentres là, tu vois un petit divan, et puis on te dit, ben, allongez-vous, puis parlez-moi de vos orgasmes. Non, de vos orgasmes, non, non, non, de vos problèmes. Donc, j'arrive devant le médecin en question, que je nommerai pas parce que je m'en souviens même plus. Et il me dit, OK, on va prendre la première burette, mais c'est très simple. Je vous envoie le produit dans... OK, si exemple, là, c'est allérable au saule, puis je sais pas, là, au pissenlit, ben je vous envoie ça dans votre organisme et puis vous allez combattre. Mais bon. Moi, je combat, je suis pas un boxeur, là, tu sais, j'ai eu peur, là, à peine la lutte, là, tu sais, bon, avec un oreiller, avec ma blonde, là. La seule lutte, c'est ça que je connais, là. Puis la boxe, ben, c'est boxe bunny. boxe bunny. La comprends-tu, madame? Ben oui, c'est un mangeur de carottes, ben oui, c'est boxe bunny. Si vous pouviez, je vous conseille fortement de vous acheter Box Bunny. Il est en vente actuellement, le vrai, là. Pour arranger votre télévision, parce que vos oreilles de lapin ne fonctionnent pas, mais avec Box, là. Parce que dans l'intimité, on l'appelle Box. Mais c'est Bux Bunny. Alors, donc, j'arrive là, puis bon, on m'envoie le truc. On doit attendre 30 minutes dans la salle d'attente. Avant de partir. Puis après ça, ben on s'en va. pour voir la réaction. Tu sais, tu peux faire une réaction. Là, ils appellent l'ambulance. Il y a M. Gagné là, qui chie. Il vient tout juste de prendre sa première rencontre avec tous les produits dans lesquels il est allergique. Mais c'est très bas, là. On ne sait pas pourquoi il réagit de même. Là. Il a les yeux dans le vague, puis la vague dans l'œil, puis l'œil dans la bœuf, et puis de demain, bing, bing, bing, bing, bing, bang. Bing, bing, bing, bang. Non, non, venez pas me chercher. Moi, c'est pas moi, c'est M. Gagné. Gagné, gagné, gagné comme gagné. Là, j'ai gagné un chêne au creux de mon champ. Perderai-je ma peine, perderai-je mon temps. Pouvez-vous passer au moins, vous raconter l'histoire après. Je suis un médecin, moi, là, je suis quand même quelqu'un là, d'assez connu et reconnu. Là. Oui, d'accord. Ça va prendre 1h15. Mais lui, il est en train de mourir, là, hein? Il a la savate au bout de la bouche. Dans le milieu de la médecine, la savate au bout de la bouche, là, on n'est pas loin de la transition, là. La transition, vous ne savez pas ce que c'est. Bon, mais écoutez, oubliez ça. Oubliez ça, on va s'en occuper, nous. On est expérimenté. Il y a Ticu Boudreau qui vient d'arriver, qui a fait de l'entretien ménager, puis on va l'essuyer, on va le nettoyer, puis on va voir la réaction, là, mais... Si vous pouviez passer, ce serait intéressant. Vous êtes sale con. Vous êtes comblé. Vous pouvez pas. Ça peut être long. Bon. Alors, oubliez. Oubliez. Vous avez déjà oublié? Parfait. Bon. Fait que, mais moi, là, cette affaire-là, là, OK, de traitement, règle générale, la première burette se termine en 2 semaines. J'étais rendu au 6e mois. J'étais toujours à la première burette. On n'a jamais pu monter à la 2e. Et là, à un moment donné, j'ai rencontré le médecin. Là, la dernière journée, j'en avais ras-le-bol. C'était 2 fois par semaine, le lundi puis le mercredi. J'en avais ras-le-bol. Là, je lui dis, il n'y a aucune amélioration, il n'y a rien. On doit recommencer au début. Ça ne fonctionne pas, hein? Il me dit, ben écoutez, si vous voulez poursuivre, il n'y a pas de problème, mais je vois pas d'amélioration. Puis, j'avais déjà envisagé le fait de tout arrêter. Ben, croyez-vous que j'ai raison? Ben, il a été honnête, il m'a dit, ça dépend si vous avez du temps encore à consacrer là-dessus. Là, j'ai dit, non, ça fait trop. Je suis parti. Depuis ce temps-là, j'ai jamais vu de médecin. À part pour les proches, là. Mais pour moi, personnellement, jamais plus. Ça fait... J'avais 18 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 22. Et comment ça? Vous connaissez mon âge, madame? Ah ben oui, c'est la première... Oh, Juliette Lemoine, la première fille qui a changé ma couche. Mais la première fille, elle était une... gardienne, c'est ça, ma première gardienne. Oh! Mais sinon, non, hey, quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Puis il faut être assez honnête devant le patient pour lui dire, écoutez, vous êtes patient, vous avez le droit d'être impatient. Vous avez le droit. Puis je me suis offert ce droit-là. Alors, règle générale, on devrait passer à la musique, mais je vais vous amener mon invité. Ou peut-être pour le plaisir, pour le plaisir, comme disait... Comment il s'appelle, donc? Philippe Léonard? Pour le plaisir, c'est Herbert... Herbert Léonard, ça m'est revenu! Herbert Léonard! C'est comme si, du jour au lendemain... J'avais plus rien. Je suis revenu à la vie. Oh! C'est merveilleux. Chantons cette chanson pour le plaisir. Pour le plaisir. Aujourd'hui. Le lundi. 17 juin 2019. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Je suis mêlé comme un jeu de quilles dans un trousseau de religieux. Trousseau en clé. Oui, monsieur, entouré de toutes ces fermetures, il cherche la ceinture de chasteté. Alors, on y va, 17 juin 2019, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Arrête de rire, toi. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Ben oui. Pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'auteur, compositeur, interprète, écrivain. Il y a tellement d'arcs à ses flèches. Est-ce que c'est les arcs? Est-ce que c'est les flèches ou les arcs qu'il a? En tout cas, c'est un homme exceptionnel, Noël Mathy. Alors, je vous le présente, sans plus tarder. Vous voulez que je fasse le décompte? 3, 1, 0! Noël Mathy! J'ai un angle mort passablement vivant. Oui. Comment ça va? Oui, très bien. Excellent. Ah, merci à toi, c'est tôt, hein. Mais bon, c'est cool parce que sinon je te loupais. C'était vraiment la semaine assez blindée pour moi. Ouais, t'as des journées bien remplies. Ben là, c'est... ouais, ça dépend lesquelles, mais là, ouais. Ouais, parce que en fait, c'est la fin des activités de toutes sortes. Et comme je pars à Berlin demain, oh. Une semaine et oui en vacances ouais et comme comme je suis musicien et psychoanalyste à côté, c'est un petit peu la fin de tout et il fallait que j'avais plein de rendez-vous cette semaine avant de partir et c'est pour ça que en fait j'essayais de trouver un moment qui était possible donc du coup c'est beau, super hein. Oui. Hey, mais qu'est-ce que tu veux dire par psychoanalyste? Analyste. Ok. Je fais des séances de psy. Ok. Ouais, ça fait 12 ans, 13 ans même que je suis dans la psychanalyse. Et tu es freudien? Lacanien à la base. Ok. Mais j'ai fait 7 ans de Lacanien en formation, enfin en divan, en transfert, avec quelqu'un qui était assez réputé en Lacanien. Mais seulement après, j'avais envie de m'intéresser à tous les courants psychanalyse parce qu'en fait, je comptais pas m'installer tout de suite. Et donc du coup, si tu veux, j'ai essayé de voir... Enfin, moi, la psychanalyse m'intéressait et je trouvais qu'il y avait... Dans tous les courants, il y avait des bonnes choses à prendre. Et les Lacaniens m'ont appris beaucoup, mais ils étaient très sectaires aussi. Et après, donc, selon les patients, je trouvais que les thérapies comportementales brèves étaient intéressantes aussi. Je trouvais que le corps était un peu trop dissocié de l'esprit chez les Lacaniens, donc je trouvais que les Jungiens aussi avaient des trucs bien. Les Lacaniens, ça leur plaisait pas du tout ça. Ils disaient non, mais comment un Lacanien peut trouver que Jung a raison là-dessus? Enfin bon, bref. Donc j'avais pas envie d'une étiquette lacanienne et j'ai été me renseigner un petit peu sur les thérapies jungiennes, sur tout ça. Après, j'ai fait un peu de massage gestalt aussi. Et puis, j'ai fait des modules et après, je me suis intéressé aussi à la sophrologie. J'ai fait une formation là pour être sophrologue, que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, hein, sophrologie. Et donc du coup, maintenant, je fais psychoanalyse adulte, enfant et ado. Et j'adapte, soit je leur fais de la sophrologie, soit je leur fais de l'analyse. Et puis après, je juge en fonction de la gravité du terrain, si Ben, si les gens ont besoin d'une thérapie de 10 ans, ou si des fois 2 ans, ou voire un an, ça suffit, quoi. Donc j'ai pas envie de les emmener dans quelque chose de lacanien qui dure 10 ans forcément, enfin 6 ans, 7 ans, quoi, comme j'ai fait moi. Est-ce que tu peux comprendre un homme comme Woody Allen qui rencontre un psy depuis presque le début de sa vie? Mm. Oui, tu peux comprendre? Ah ouais, ben après, je pense que ce que tu apprends en psychanalyse, en fait, en faisant les formations, en faisant une psychanalyse toi-même, hein, parce que sinon tu peux pas. C'est surtout à comprendre les autres et à pouvoir les interpréter de façon neutre, c'est-à-dire que tu apprends énormément à être dans le non-jugement tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas ben moi j'aurais fait ça, un psy c'est pas ça. C'est la différence avec un ami quand tu te confies ou. C'est amener les gens, non pas leur dire ce qu'il y a à faire, mais les amener à comprendre voilà, quel est le meilleur choix pour eux en fait. Mais que ça vienne d'eux, pas une influence comme ils peuvent avoir dans la vie où on leur dit « Ah ben non, il faut que tu fasses ça. » Parce que la solution est dans nous-mêmes. La solution est toujours en nous-mêmes, toujours. Donc des fois c'est dur parce que quand tu as des mecs ou des meufs qui te parlent de leur conjoint et que tu vois que la personne les coule, quoi, vraiment, tu te dis, tu as envie de leur dire « Non mais c'est bon, laisse tomber, quoi, tu vois, enfin, va voir ailleurs, va voir quelque chose de plus solaire. » Mais tu peux pas dire ça, c'est... Quand deux personnes sont ensemble, même si elles se détruisent, il y a forcément une raison à l'instant T pourquoi elles sont ensemble. Quelque chose de complémentaire, même négatif, mais il y a quelque chose qui apporte, il y a une chose. Est-ce chez que ça l'un. Ça peut être uniquement sexuel ? Ça peut être uniquement sexuel, mais si c'est sexuel, ça veut dire qu'il y a une faille sexuelle chez la personne et que cette alchimie sexuelle lui apporte une confiance en elle ou autre chose. Mais de toute façon, il n'y a jamais un qui a complètement tort et l'autre qui a complètement raison, dans le sens où même quand un est pervers narcissique ou quoi, c'est la valorisation qu'il donne à l'autre sujet fait que l'autre sujet reste. C'est ce qui est complexe. Parce on va que parler sinon... de ton album, mais avant, j'aimerais savoir, est-ce que tu crois que quelqu'un qui fréquente, qui est en amour, en guillemets, Bonjour. Je vais vous prendre un café allongé et un verre d'eau pour commencer. Ouais. Crois-tu que quelqu'un qui est en amour depuis à peu près 6 mois peut avoir vécu une intensité forte autant comme... que quelqu'un qui est en amour depuis 8 ans? Oui, je pense c'est différent. Hein. On est plus dans le. C'est plus un registre de la passion que d'amour. Mais peu importe, parce que de toute façon, les frontières en France, enfin partout dans le monde d'ailleurs, le mot amour, il signifie plein de choses différentes. Ouais. Amour paternel, amour familial. En anglais, c'est love, like, c'est pas compliqué. Like, c'est pas aimer comme love. Voilà, et en français, ça y est même pas. Enfin, c'est vraiment amour. Et il y a plein de sortes d'amour différents. On peut aimer profondément des amis plus intensément qu'un rapport amoureux. C'est pas le même rapport. Les frontières sont très... mais même physiquement, tu peux avoir une attirance physique pour des gens que tu aimes profondément, comme pour des gens où c'est purement sexuel. Donc tu peux avoir aussi pas d'attirance physique pour certaines personnes purement physiques, mais le contexte et les sentiments que tu as pour eux, merci, font que tu les as. Parce que tu peux ne pas être attiré par une personne, et puis tu peux, dans un contexte, te retrouver à avoir une pulsion, mais qui est plus cérébrale, en fait. C'est juste quelque chose d'affectif, en fait. Comme Sartre et Simone de Beauvoir. Comme Sartre oui, et Simone de Beauvoir. Oui, exactement. Exactement. C'est le problème quand les gens condamnent les sexualités en disant « Oui, la truc de la nature, c'est l'hétérosexualité pour la reproduction, tout ce qui est lesbien, homosexuel, tout ça, c'est contre nature, c'est pas vrai. » En fait, tout est dans la nature. Et après, tu peux par exemple ne te retourner, si t'es purement ce qu'on appelle purement hétéro, tu peux te retourner que sur des filles physiquement, c'est-à-dire dans la rue. Et puis tu peux avoir une pulsion ou un attendrissement qui amène à quelque chose de physique, aussi soft qu'il soit, pour un gars, si t'es un gars, ou pour une fille, si t'es une fille. à un instant T parce qu'il y aura une espèce d'échange de protection, de l'osmose, et peut-être que tu en auras plus envie après, mais dans ce moment-là, où un rapprochement des corps, mais qui est une tendresse, mais manifestée par du physique. La plupart des gens s'interdisent ça parce qu'ils se posent énormément de questions. C'est contre nature, et puis c'est culturel, surtout social, religieux, enfin tout ça. Depuis que je suis un peu ton cheminement, je comprends mieux ton album. Hein? Parce que ouais. C'est un album assez torturé. Je dirais plutôt... Ouais, alors torturé, je sais pas, parce que moi je le trouve assez solaire. Après, ce qui est torturé, c'est surtout que... Comment dire? C'est que je trouve que les rapports avec les gens, la société rend très très complexe les rapports simples avec les gens, qui pourraient être plus simples. Les gens ont... On complexifie. Ouais, une complexité, ouais, vraiment. Ouais, parce que... si tu veux, les gens, on dirait qu'ils se tracent des choses au lieu de vivre l'instant T. C'est-à-dire, ils se disent, bon ben, si je vais avoir un enfant avec quelqu'un, par exemple, il faut que cette personne soit la bonne, oui, mais il faut qu'on reste 20 ans ensemble. Non, si je vais acheter un appartement avec quelqu'un, ça veut dire que je pars quand même au moins pour 6-7 ans. On ne peut pas savoir ça parce qu'il vaut mieux, pour rejoindre ta question sur les 6 mois d'intensité, on peut, selon moi, il vaut mieux vivre quelque chose de fort et intense et de court qui te marque à vie à la fin de ta vie ou pour toute ta vie, cette personne reste ancrée en toi, plutôt qu'avoir 2 ans de fort et faire perdurer 10 ans de colocation inintéressante. De l'acharnement. De l'acharnement ou simplement du confort bourgeois où les gens se disent... Souvent, il n'y a plus aucun rapport, c'est de la colocation, il n'y a plus de rapport physique, mais les gens se disent « Ah ben non, mais si on divorçait, si on se séparait pour la maison, pour ci, pour là, ça serait la galère pour les enfants. » Alors que je crois qu'il n'y a pas plus clair qu'un enfant qui comprend que, enfin, qui perçoit en tout cas sensitivement que ses parents ne sont plus ensemble. C'est... Oh. suis là, je te suis, emmène-moi. Et sans réfléchir, et sans même rien se dire, plus à ressentir, comme avant, juste s'enfuir. Quelques jours, trahir la légende de nous nuire. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fous là? T'habites ici? Ah ouais! Mieux, je sais pas, on est plus tranquille au Lila quand même, hein. Il y a plus de passages. Non mais les abeilles c'est très bien, le boulevard est un peu bruyant. Non mais c'est beau, bien sûr que c'est beau, moi j'adore. Ouais. Ah ouais? Ben lui vient du Québec. Hein? Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, ouais. Ah, vous connaissez Brigitte Boucher? Vous connaissez Brigitte Boucher? Oui. Ben oui. C'est une Québécoise qui vit à Paris depuis 30 ans. C'est un Québécois, lui. Eh oui, on a... Hein. Tu vas au Lila, là? À bientôt. Le monde est ici. Ah ouais, grave. C'est un... Il tient un magasin tout près de chez moi, à côté d'un bar où je vais tout le temps. Et enfin, lui, il est associé avec un mec plus jeune, ils ont le magasin tous les deux. Mais je savais pas qu'il était aux abeilles. C'est excellent, je me dis, c'est perturbant, tu te dis, non, mais qu'est-ce qu'il fout là? On fait des liens, hein. Ouais, on fait carrément. Des liens, moi aussi ça m'arrive de faire des liens, mais ouais. Carrément, chez mon Lane Club. On se connaît grâce à Mélie. D'accord, ok. Ben, ah oui, d'accord, ok, t'es arrivé par là en fait. Ben, d'accord. En fait, moi, Manu a sorti un album. Elle m'a remis le tien. Est-ce que tu savais? Est-ce que tu connaissais l'histoire? Ah ben non, je savais pas comment t'étais arrivé en fait. Ok, mais tu connais Manu? Ben, oui, oui. Alors Manu. J'adore Manu. D'ailleurs. Ben, moi aussi d'ailleurs, en m'envoyant son album, m'a remis le tien. D'accord, ah, c'est adorable. Oui. D'accord. Ah, mais je croyais que tu étais au courant. Elle le fait, on le fait spontanément. Moi aussi, dès que quelqu'un me dit qu'est-ce que je peux écouter, je lui dis tout de suite écoute Manu, voilà. Après, on est sortis sur le même label. En fait, pour te la faire courte, Manu et moi, on se croisait beaucoup à l'époque de Dolly, puisqu'on avait des premières parties communes. On a fait plein de scènes où on était tous les deux dans des festivals, tout ça. Et on avait un énorme respect parce que chaque fois qu'on discutait ensemble, mais c'était très court, on accrochait beaucoup. On avait fait ensemble pour Paris Match aussi une énorme photo qu'avait fait Jean-Éric Perrier en 2004, je crois, ou 2005. Et on lui avait demandé de refaire la photo de Salut les copains avec la même position qu'avec Johnny et tout, mais avec toute la génération, alors tout mélangé, hein, tout style. Il y avait Jennifer, il y avait Dolly, il y avait Kyo, il y avait Dominica, enfin bon, nous. Donc il y avait plein de gens. Nous, tu Madinka. Okay. Ouais. Et donc du coup, enfin le premier groupe que j'avais avec qui on tournait. Et donc du coup, on s'était retrouvés tous à faire cette photo. Et donc Manu était là. Donc c'était encore, on s'était recroisés. Et chaque fois, elle et moi, on discutait beaucoup et on s'appréciait. Mais après, on se reperdait de vue. Donc il y avait un énorme respect artistique. Moi, j'étais fan de Dolly, hein, plus jeune. Et donc du coup, et puis. Après, quand elle était en solo, moi je l'ai toujours suivi. J'ai été la voir en concert, mais donc pareil, on se disait bonjour, enfin on savait qui on était. Hein. Et puis c'est surtout quand j'ai sorti mon roman, qu'elle a adoré le roman. Et moi j'avais mis tes cicatrices dedans, signées, donc dans le bouquin, parce que j'avais cité plein de morceaux que j'écoutais au moment de l'album. Au moment du roman, de l'écriture, ouais. Et donc du coup, je leur avais envoyé, mais... Bon, je me suis dit, ça va être contente, mais comme tous les autres, enfin, je l'ai envoyé à tous les gens qui étaient dedans. Sauf que Manu m'a appelé, elle m'a dit, mon Dieu, c'est juste mortel, elle m'a dit, écoute, je serais pas dedans, ça serait pareil. Elle me dit, je savais pas que t'écrivais aussi bien. J'ai adoré le bouquin, mais il m'a emporté. Elle m'en a parlé pendant une éternité. Et j'ai adoré ce qu'elle m'a dit, parce qu'elle avait vraiment senti... elle avait compris. Elle avait vraiment compris comme je l'écrivais. Parce que après, on peut, ça fait toujours plaisir quand on dit qu'on a aimé, mais des gens peuvent l'interpréter complètement différemment, en fait, en fonction de sa culture. Il faut aussi le respecter, parce que chacun a sa culture. Ah, bien sûr, hein. Parce qu'après, toi, tu livres un truc, bah, c'est non, pour que les gens s'identifient. Exact, voilà, exact. Ça t'appartient plus. Sauf que là, c'était vraiment comme je l'avais lu. Elle m'avait dit, tu sais, j'ai trouvé ça poisseux, mais dans le sens positif du terme. Et elle m'a cité plein de petits trucs que j'avais écrits, des phrases en me disant ça. Ça m'a hyper bouleversé, parce que si, parce que là. Et c'était, c'était top, parce que pour moi, c'était exactement ce que j'avais voulu faire. Mais ça prouve qu'elle l'a bien lu. Si ah oui, oui, oui, elle l'a lu deux fois, en fait. Elle m'a dit, je l'ai lu une première fois et j'ai tellement aimé que je me suis remis à le lire instinctivement une deuxième fois. Parce que j'avais l'impression à la fin, comme le suspense montait, elle m'a dit, j'avais l'impression d'avoir raté des choses, en fait, des détails. Et donc elle est venue, j'ai fait, parmi les dédicaces que j'ai fait à Paris, j'avais fait un débat avec un psycho neuropsy. Parce que les neuropsies, c'est ni des neurologues ni des psys. C'est vraiment des. En fait, ils étudient la psy un peu de façon sensitive, comme nous en analyste, sauf que c'est beaucoup plus complexe dans le sens où ils étudient le cerveau électriquement, ce qui se passe quand, par exemple, tu bascules dans un sentiment de jalousie, okay, ouais, ouais, ce qui se passe dans ton cerveau. Et donc, des scanners, c'est ça, en faisant jouer des sensations. Puis, exactement. Et moi, j'avais un neuropsy que je connais, quoi, qui est un jeune, hein, qui est hyper brillant, qui était à l'hôpital de Créteil, qui a 30 ans, et qui m'avait dit, c'est fou parce que ton livre, il est quand même très barré. Mais il m'a dit, ce qui est excellent, c'est que c'est très, très... pour moi qui ai des patients, c'est très réaliste. Okay. Alors que c'est quand même fictionnel, voilà, exagéré, c'est quand même un thriller psychologique quelque part. Et il m'a dit, mais c'est toujours réaliste, en fait, tout ce qui arrive aux gens, ça peut vraiment arriver. C'est des pathologies, quoi. Et il m'a dit... Mais toi, tu le savais. Oui, moi, je le savais. Sauf que lui, il m'expliquait, tu vois, par exemple, quand ton personnage, on lui dit ça, ça peut paraître fou qu'il bascule dans quelque chose d'une jalousie aussi forte. Il m'a dit, mais non, parce que dans le cerveau, il se passe ça, ça, ça. Et donc, selon les personnes, si elles ont une pathologie, elles peuvent. La raison est complètement exclue. Et ça peut développer ce que toi... Exactement. Et donc, du coup, moi, j'avais trouvé ça bien. Je lui ai dit, bah, viens avec moi. J'ai un débat dans une librairie. Le libraire a adoré. J'ai dit, on pourrait faire un débat où moi, je parle des personnages. Mais toi, tu pourrais développer au-delà, plus le sentiment de jalousie, et sortir du bouquin, et vraiment que ça soit intéressant. Et donc du coup, on a fait ça, c'était hyper bien, et Manu est venue ce jour-là, je ne savais pas qu'elle venait, et elle est venue. Et donc du coup, mais c'était après, hein, c'était, si tu veux, elle m'avait dit qu'elle aimait le bouquin, mais c'était, on n'avait pas encore discuté autant, en fait. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là. Et elle est arrivée avec Matt, et ils ont assisté au débat, elle a participé, enfin, elle a posé des questions, tout ça. Et en sortant, on allait tous manger, enfin ceux qui voulaient, avec tout, parce qu'on était, il y avait, je sais pas, une cinquantaine de personnes, 40 par là au débat, quoi, je sais plus combien. Et donc du coup, on a dit, on va manger au café d'à côté, quoi, comme là. Et Manu est venue, et là, elle est venue me voir vraiment, et elle m'a dit, écoute, elle m'a dit, déjà ton bouquin, voilà, donc c'est là qu'elle m'a dit qu'elle adorait le bouquin, tout ça, on a discuté très longtemps. Et elle m'a dit, mais là, avec le débat, elle me dit, écoute, moi, je suis vraiment fasciné par ce bouquin. Elle me dit, écoute, j'ai la... ça, je ne savais pas non plus. Elle m'a dit, j'ai l'idée de sortir une collection d'audiobooks. Ah oui, oui. Depuis un an. Voilà, elle m'a dit, et il n'y a qu'un bouquin que je voulais sortir, mais je n'ai pas eu les droits. Elle me dit, mais en fait, je voudrais vraiment que le premier, que ça ne soit pas un pilote pour être un pilote. Elle m'a dit, il faudrait que ça soit un truc qui me plaise vraiment. Et elle me dit, voilà, en France, c'est pas encore très développé, mais il y a des pays où ça marche bien. Moi, j'en écoute beaucoup. Moi, je croyais que c'était que pour enfants, je t'avoue, je connaissais pas. Donc, du coup, enfin, moi, j'en avais pour ma fille, quoi. Mais, ouais, ouais, ouais. Et elle m'a dit, non, tout sort et tout. Donc, c'était Disney, à un moment donné, hein, qui avait sorti, ouais, le truc. Qui avait sorti ça. Avec la petite clochette, tu changeais de page. Exactement. Et donc, du coup, elle m'a dit, ben, ça serait bien, j'aimerais bien que ça soit le tien, mais si on arrive à avoir les droits, j'ai dit, écoute, je vais m'arranger avec la boîte d'édition pour que ça vous coûte pas beaucoup, parce que voilà, il y avait des petits moyens, c'était un lancement de trucs. J'ai dit, on va voir comment on peut faire. Elle me dit, ok, on se rencontre, on se revoit, parce que là, c'était une soirée. Elle m'a dit, on en reparle. Elle me dit, mais vraiment, j'adore et tout. Donc, moi, j'étais hyper content, parce que, et voilà, et à partir de là, on a commencé à faire, on s'est vu quasiment une fois par semaine. On a commencé à imaginer ce qu'on pouvait faire. Elle voulait que je le lise. Moi, je n'étais pas convaincu parce que c'était plus un boulot de comédien que de chanteur. et de doublage, quoi, enfin de comédien sans le corps, mais en tout cas au niveau de la voix, je lui ai dit, elle m'a dit non, j'ai écouté pas mal de tes interviews là depuis 2 mois, et j'aime bien ta voix, j'aime bien ce que ça pourrait rendre et tout. Elle m'a dit, moi j'aimerais bien que ce soit toi, et donc du coup, et après j'ai dit, mais il faudrait qu'il y ait des intervenants, donc c'est elle qui lit les têtes de chapitre, voilà. Et voilà, et on est parti en studio, ils se sont occupés de tout, hein, Tekini, et ils ont pris Mathilde qui travaillait à Canal+, mais à la chaîne No Life aussi, qui a disparu il n'y a pas longtemps, et donc qui est venu faire le son, et on a fait ça en petit comité. Et il y a Nirox, le batteur de Manu, donc, qui est venu lire un petit passage. Enfin, il faisait un personnage, mais qui n'était pas très gros, mais c'était bien. Symboliquement, j'adorais. Matt a lu un personnage qui était plus long. Manu a lu toutes les entêtes de chapitre, tous les remerciements, enfin pas les remerciements, mais tout ce qu'il y a dans le bouquin hors livre. Elle faisait un personnage aussi, et fille. Et bon, comme on était dans la tête du personnage, c'était surtout un monologue quand même plus. Et puis voilà, et donc après on a fait ça, c'est sorti le 30 mars, là, un mois avant l'album. Et puis comme on l'avait fini quand même en décembre 2017, quand moi j'ai fait mes voix en février, mes voix def, j'avais été un peu frustré. Enfin, en fait, comme tout était dans la tête du personnage, c'est quand même moi qui lisais le plus. Et quand j'entendais Manu lire ses personnages, tout ça, j'avais hyper envie de l'entendre plus. J'aurais aimé l'entendre plus sur le bouquin, en fait. Vivre, faut ce soir se mentir, même à soi. Mais être ivre, que de joie, ne respire pas sans toi. On peut vivre l'un sans l'autre et mourir en les autres, mais survivre de ces autres n'est pas vivre l'un de l'autre. Ça, quand t'écris, tu te dis pas que c'est pour un audiobook. Donc du coup, j'ai eu envie de vachement plus de présence féminine sur l'album, et c'est pour ça que j'ai demandé à Manu de relire, hors contexte roman bien sûr, mais un passage de mon premier roman. Pour ton album. Pour l'album, et à Buzy de lire. Alors comme Manu lisait dans les Amours Anormales le dernier, j'ai fait lire Buzy sur les Amours Anormales dans. Ouais. T'as vu ? C'est énorme. Hein, c'est. Enfin pour moi, ça me ramène à Jeanne Moreau. Enfin à tous ces gens. Qui ont tellement une voix rocailleuse. Ah ouais, et puis tellement pleine de vécu, ma chanson, excuse-moi, mais c'est ma chanson préférée. Ah bah écoute, moi j'adore qui aussi, est, ouais. Qui est diffusée assez souvent à mon émission. Super. La première chanson, j'ai reçu l'album, j'ai commencé mon émission, j'ai même pas rien écouté, j'ai vu Buzy, que je connais très bien, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, et j'ai dit, ah ben, par curiosité, j'ai annoncé aux auditeurs que nous allions l'écouter, sans même que... Je suis au courant de la chanson, mais j'étais sur le cul. Ah ouais, ben moi en fait, alors Buzy, c'est aussi lié à Manu, parce que c'est Manu en fait qui devait voir, qui la connaissait pas vraiment, mais qui devait la voir pour qu'elle discute de... Je te l'ai même, excuse-moi, mais je t'ai même envoyé un petit courriel pour te... Oui, d'ailleurs, le premier tu me disais, j'adore la chanson de Buzy. Oui. Et j'ai le même envoyé à Buzy qui était très très heureuse qu'un Québécois ait... Ouais. Non, mais tu sais qu'elle prépare un nouvel album. Oui, je sais. Attention, hein. Tu sais? Ben alors... Non, j'ai pas serré assez. Donc, non, mais je sais ce que j'ai fait. En fait, comme je parle avec toi, oui. Je ne regarde pas ce que je fais, je l'ai collé à l'envers. Ah, voilà. Chose qui ne m'arrive jamais, ah, oui? Sauf quand je ne regarde pas ce que je fais. Ah, voilà. J'arrive pas à faire deux choses à la fois, Rénald, je te le dis. On dit que les femmes sont plus performantes là-dedans. Ah, ben, j'espère pour elles, en tout cas. Est-ce que c'est vrai? Écoute, moi, je suis une catastrophe pour faire deux choses à la fois. Quand on... Non, mais est-ce que c'est vrai qu'une femme pourrait être plus douée? Alors, écoute, dans ce que j'ai rencontré, en général, oui. Après, j'ai quand même des filles qui me disent « Ah non, moi je suis comme toi, je sais pas faire deux choses à la fois. » Ok, c'est un mythe. Je pense que c'est peut-être qu'il y a, je sais pas, c'est peut-être une majorité peut-être de gens où le masculin est plus mono... cervicale. Une femme doit s'occuper des enfants, doit s'occuper de plein de choses, non? Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, moi j'ai ma fille une semaine par. Toute la semaine, sa mère le week-end, c'est moi, inversement, qui gère son carnet de santé parce que ça m'est plus inconscient et que sa mère, elle le ferait, mais comme moi je le fais, elle s'en fout. Ouais. Je pense que c'est des critères sociétaux qu'on a eu l'habitude de dire par rapport à des majorités peut-être. Okay, mais okay. C'est une facilité aussi de moi je l'ai pas, c'est vrai que j'arrive pas, tu vois, là je me suis concentré là-dessus, voilà, j'arrive. Ouais, là, je vois ça, ouais. Et si je te parle, en fait je suis absolument pris dans tes mots, pris dans ton sujet. Ouais, mais je suis pris sur ce que je suis en train de faire. Ouais. C'est-à-dire que je peux pas te parler à toi, écouter la discussion du mec à côté ou répondre. Ouais. J'y arrive pas. Pareil, quand j'écris, j'ai besoin d'un silence total. Je sais pas, je vais pas être en train d'écrire un roman puis aller voir mes mails en même temps. Le disque que j'ai reçu, c'est le combienième? Le combienième de ton œuvre, le disque que j'ai écouté? Tu en as fait combien avant? Alors, avec le groupe, on en avait 4. OK. Est-ce qu'avec le groupe, c'est plus rock? Parce que j'ai jamais écouté. Non, pas que celui-là. Ah, c'était plus rock. C'est un peu plus... post-punk new wave en fait. Ah, okay. Oh. Donc électro-pop quand même, mais oui, c'était plus dynamique. Les tempos étaient plus rapides. Ah, il y avait des morceaux lents. Hein. Un peu comme si tu comparais Manu à Dolly, quoi. Enfin, dans la rapidité du truc, quoi. Okay. On était plus jeunes aussi, hein, donc c'était un peu plus. Ouais, voilà, ouais. On va dire ça. Après, les textes étaient quand même le même univers, mais en plus jeune, hein, donc voilà. Après, la voix surtout, je pense que. Moi, comme on jouait en répète, je faisais partie, mais comme Buzy au départ, on en a parlé. On jouait en répète, les guitaristes composaient, quand ça sonnait bien sur telle tonalité, moi je faisais la mélodie de chant. On se souciait pas des tonalités. Donc moi, j'ai eu beaucoup de comparaisons, notamment avec des gens qui chantaient très haut, trop haut même, comme Indochine notamment, parce que, mais à l'époque de 7000 danses ou de 3, parce que, je pense que c'est des femmes, moi aussi. C'est des mais moi aussi, j'adore. Sauf que sur scène, ça te met plus en danger, parce que tu es plus faux tout de suite. Vu que tu es quand même à une tonalité qui est plus haute que ce que tu veux. Après, les timbres de voix, moi j'aime les gens qui ont un vrai timbre de voix, comme quand ils parlent. Alors après, quand tu chantes plus haut, pour moi, Buzy, elle a sa voix quand elle chante, quand elle parle, c'est la même. Manu, c'est pareil. Moi, j'aime pas les gens qui transforment leur voix en chantant par des effets et tout. Après, c'est vrai que je pense que aussi bien Dao que Nicolas Sirkis que moi, on n'a pas du tout le même timbre pourtant, mais c'est une famille de voix. On a une tonalité, on a une façon de s'exprimer qui est. Enfin, je le vois que les gens trouvent pas pareil, puis on en parlait. Hein. Donc c'est vrai que. Et même Souchon, oui, plus frais, plus voilà. Qui voit avec le personnage. Exactement. Voilà. Mais c'est, pour moi, c'est toutes des voix, c'est pas des voix de chanteurs, c'est des voix de conteurs. Ouais, au Gainsbourg aussi était comme ça. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que moi, je sais que si je chante un peu plus haut, comme dans Madinka, y a ça dans XXXY, le refrain, là, pourquoi ne parvient-on pas, il est une tonalité plus haut, Madinka, c'était encore un chouïa plus haut. Et je sais très bien que quand je chante bas, on va me dire ça ressemble à Miossec, enfin plus ou moins, même si c'est pas le même timbre, mais on va dire ça fait plus Miossec, Biolay ou Dao, ou Gainsbourg pour certains, et inversement, si je monte plus haut, on va me dire ça fait Indochine. Donc ça, je pense que de toute façon, c'est des familles vocales. Quand je me rappelle quand j'étais très jeune, hein, et quand Nicolas avait sorti Indochine avait sorti le baiser, tout le monde disait le nouveau Indochine, on dirait du Dao, parce qu'il chantait vachement plus bas. Et donc, et si Dao se mettait à chanter plus haut, ça ressemblerait de toute façon. Quand j'ai fait l'album pour Dominique Nicolas, enfin les textes, c'est pareil, tout le monde disait c'est marrant, on dirait du Indochine avec la voix de Dao. Mais c'est des familles vocales, donc t'es obligé. C'est comme quand on dit ouais Buzy, on dirait Dani, ça la rend folle. Parce que oui, c'est des familles vocales. Et je lui dis, mais c'est des familles. Sauf que non, Buzy elle a son timbre, comme moi je pense que j'ai le mien, j'ai pas du tout celui de Dao. C'est plus des sensibilités qui sont communes en fait. Quoi. Donc du coup, les scopes aussi, à ce moment-là, on n'a qu'à dire que c'est du Daniel. Alors moi j'ai Daniel Dark aussi maintenant sur l'album. Oui. Enfin voilà, mais du coup, je pense que c'est ce qu'on a écouté. Et puis je crois que c'est aussi vocalement. Enfin, je pourrais pas chanter comme Radiohead, même si je le voulais. Quoi. Enfin, tu vois, t'as aussi un organe génétique à la base. Quoi. Enfin, c'est. Qu'est-ce qui te fait. Parce que lorsqu'on commence à faire un album, on doit trouver des sujets. Qu'est-ce qui t'a fait prendre le micro pour cet album-là? Pourquoi tu as voulu écrire, que tu as voulu préparer un nouvel opus? Moi, je vais pas te mentir, l'écriture, pour le coup, avant même la musique, hein, parce que moi, je suis pas un vrai musicien. Manu, elle rigole tout le temps, elle me dit, mais arrête, tu composes et tout. Parce que là, le morceau Abou pas au bout, je l'avais fait parole et musique piano, et j'avais fait écouter à Manu avant qu'on fasse les arrangements et tout, donc c'est elle qui l'a réalisé. Elle me dit, mais non, mais tu composes, etc. Mais moi, je suis pas musicien dans le sens où, déjà, je joue un peu de tout, mais très mal. Vraiment très mal. Je déteste jouer sur scène. Je faisais un peu guitare rythmique avec Malinka, mais c'était un stress énorme pour moi. Et en fait, j'aime pas rejouer les trucs des autres, j'aime pas apprendre, hein, je suis feignant là-dessus. J'aime juste, par contre, j'aime composer. J'aime la mélodie, en fait, j'aime juste trouver la mélodie qui va aller avec le texte. Et qui va sublimer le texte. Mais à la base, je suis quand même plus un auteur qu'un musicien. Après, on a le statut musicien parce qu'on est chanteur. Mais alors aujourd'hui, en plus, avec cet album-là, avant, je composais un petit peu, mais pas beaucoup. Là, j'ai composé quasiment tous les morceaux. Donc tout le monde dit, mais non, mais t'es auteur, compositeur, interprète. Compositeur, ok, mais musicien, non. Parce que si quelqu'un me dit, viens me dépanner pour mon groupe et jouer de la guitare sur un truc ou du piano, je peux pas. Je suis pas assez bon pour suivre un groupe. puis je, voilà, c'est pas un complexe, hein, mais c'est une réalité, quoi. Et donc, du coup, moi, c'est l'écriture, mais depuis 7-8 ans, tu vois, j'avais envie d'écrire. Et ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir faire passer, quand tu vis des trucs ou quand tu vois un film, quand tu lis un livre, tu as des sentiments, et c'est de mélanger une espèce de fiction avec qui va avoir autant une phrase de ce que tu as vécu, un sentiment pour une personne que tu as, et que tu vas mélanger avec un film que tu as vu et qui t'a emporté. Et ça, j'adore, ouais, je peux rester des heures à chercher le mot qu'il faut et inversement écrire un texte en 10 minutes, tu vois, enfin c'est... Est-ce que tu as voulu, parce que je l'ai écouté plusieurs fois, amener ce côté nébuleux de l'album, parce que rien n'est clair, tout est suggéré, on laisse la personne arriver à ses propres conclusions. Est-ce que c'était voulu? Je ne sais pas si c'est voulu, mais je m'aperçois qu'avec le temps, moi j'écris pour moi, et inversement, je pense qu'on a la chance, même si c'est dans un tout petit milieu indé, que plus ça va, plus on galère pour la médiatisation. Enfin, moi, comme Buzy, comme tout le monde. Hein. Et du coup, par contre, ce que j'aime, c'est... J'y pense pas quand j'écris, mais après, j'aime que les gens puissent s'approprier la chose. Ouais. Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. J'ai horreur. C'est vrai que j'aime pas raconter ma vie dans le sens où les gens ne pourraient que se dire « Ah ben tiens, c'est lui. » Et j'aime bien que les gens m'oublient quand ils écoutent ou quand ils lisent un bouquin. Et qui se mettent qui puissent rentrer dans le personnage, que ça soit un texte de chanson ou autre. Donc c'est vrai que, par exemple, je me suis aperçu, et ça, Manu qui m'a fait remarquer, m'a dit putain, mais c'est ouf que, en fait, t'as aucun. Souvent, on peut inverser, parce que quand on a fait Abou Pas Au Bout, on avait fait le découpage du texte pour le mien qui a été fait en premier. Et après, quand elle a voulu le reprendre sur ce qui m'a vachement flatté, voilà, sur Entre deux eaux, elle m'a dit on pourrait le faire version harpe-violoncelle. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle a réalisé et arrangé le mien, alors que qu'elle n'a pas réalisé le sien, puisque c'est Matt, ouais. Voilà, Saunière et Damien Jarry qui ont arrangé la version sur son album. Et inversement, elle a eu l'idée d'inverser nos parties chantées. Et donc, ce qu'elle chante sur le mien, c'est moi qui le chante sur le sien, et vice-versa. Et je trouvais ça génial. Hein. Et du coup, elle m'a dit, mais c'est marrant, on peut tout inverser. Comme, en fait, dans les histoires, on ne peut pas trop savoir, à part à HLP, parce qu'il y a deux voix masculines, ouais. Ou c'est rien, justement, mais parce qu'il y a deux voix. Donc, quand tu entends une fille, tu te dis, ah, ben, c'est un couple garçon-fille. Quand tu entends un garçon, tu te dis, ah, ben non, c'est... Mais seulement, si c'est des morceaux seuls, au départ, comme ils sont écrits, je ne peux pas savoir ce que c'est. Et ça, pourtant, je ne me dis pas, attends, je vais chercher le mot qui est unisexe, on va dire. Mais c'est vrai que c'est très, très rare qu'on puisse se dire, je pense qu'un couple lesbien, qu'un couple homosexuel ou qu'un couple hétéro peut aussi bien prendre la chanson pour eux, oui. En fait. C'est, après, moi, je ne suis pas dans un combat militant, enfin, je suis pour la tolérance. En fait, moi, le seul truc pour lequel je milite, c'est vraiment contre les gens qui nomment le contre-nature, comme quoi la nature a fait ça. Ouais, pour moi, y a, tout est dans la nature, tout a un sens. Et pour moi, enfin, l'amour doit être beau, c'est déjà compliqué de trouver une personne à ta pointure, de faire durer la chose. Ouais. Que si en plus tu dois te dire, ah ouais, mais j'aime un garçon ou j'aime une fille, si t'es une fille, et te dire, ah ouais, mais je peux pas le montrer, je suis obligé de me cacher, je peux pas le vivre pleinement. Une petite jeune qui a 17 ans et qui pourrait pas vivre pleinement avec ses parents, avec sa famille, avec ses amis, son amour, parce qu'elle aimerait une fille au lieu d'un garçon, pour moi, c'est intolérable, mais vraiment intolérable. Surtout en 2018. Hein. Oui, je trouve ça mais très, très grave. Donc ça, c'est vrai que je déteste tout ce côté réac, vieille France, religion, enfin, toutes ces histoires de catholicisme ou autres, hein, qui, des textes écrits il y a 10 000 ans, qui... C'est comme pour la psychanalyse, quand je te dis, enfin, la société a évolué. Lacan, ça a été le premier, c'est ce que je disais à la psy lacanienne qui m'avait formé. J'ai dit, comment vous pouvez vous dire que Lacan, qu'aujourd'hui, on doit suivre, si on est lacanien, on doit suivre Lacan comme si on était dans une secte. Et alors que Lacan, le premier, avait pris quasiment tout de Freud, hein, mais avait fait une école différente avec ce qui le gênait ou ce avec quoi il n'était pas d'accord chez Freud. Je lui ai dit, donc comment aujourd'hui on peut dire c'est Lacan et point barre, et ne pas dire, moi j'ai une base lacanienne, mais Jung a trouvé trucs super mieux pour certaines personnalités, certains types de caractères. Et moi, j'ai du mal avec ce truc, je fais partie d'un courant... Totalitaire. Ouais, totalitaire, exactement, exactement, c'est ça. Et donc du coup, moi, mon vrai combat, c'est pas de défendre les homosexuels, les lesbiennes, les... Par contre, c'est de les dire... Les acheminer. Ouais, pour moi, c'est... Pour moi, c'est d'enlever cette hiérarchie comme quoi, même les gens tolérants, aujourd'hui, ils vont dire, ah ouais, moi, je suis tolérant pour l'homosexualité ou pour autre, hein, là, on parle de ça, mais... par exemple, une nationalité différente, pour le métissage. Ils vont dire, je suis tolérant, mais pas chez moi. Hein. J'ai pas envie que ma fille, elle me ramène un métis, ou qu'elle soit homosexuelle, ou mon fils. Alors que... Dans la cour des autres, mais pas chez nous. Exactement. Moi, c'est pas de la tolérance. C'est pour moi, ma fille, demain, elle serait heureuse et elle me ramène. Et je le dis vraiment. Elle a 10 ans aujourd'hui, mais elle me ramène une gamine ou un petit gamin. Mais je suis... Mais, aux anges, à partir du moment où c'est pas un mec qui lui plante une seringue dans le bras, tu vois, je préfère qu'elle aime une fille qui la rende heureuse qu'un garçon qui la rend malheureuse. Mais j'ai pas d'hiérarchie, le couple il est aussi beau, que ça soit deux garçons, deux filles. Pour moi c'est aussi beau, le reste c'est réactionnaire. C'est pour moi une société mais qui est poussiéreuse, j'en ai ras le cul d'entendre des gens qui disent « Ah oui, l'hétérosexualité c'est fait pour ça parce qu'on a des enfants ». Il y a plein d'hétéros qui n'ont pas d'enfants, il y a des gens stériles. Tout est dans la nature. Alors ceux-là aussi sont contre nature. Il y en a qui en veulent pas aussi. Oui. Une femme qui en veut pas, c'est pas non. Non, mais on n'est pas là pour procréer. Alors évidemment, c'est hyper beau. Moi, je suis le premier à avoir un môme et j'adore ça. Mais si la personne n'en veut pas, et puis il y a des gens qui font des mômes, on se demande, enfin, ils ne devraient même pas avoir le droit d'en faire, hein, vu comment ils les traitent. Comme je dis souvent, on a un permis pour conduire, on devrait avoir un permis pour avoir des enfants. Non, mais c'est. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Quand tu vois la religion qui condamne l'homosexualité, il n'y a pas plus de pédophilie que chez les prêtres. Mais arrêtez, quoi. Arrêtez-vous, quoi, au bout d'un moment. Et là, pour le coup, c'est contre nature. Parce que moi, tout est dans la nature tant que c'est consentant. À partir du moment où tu commences à forcer les gens, le viol, la pédophilie, tout ça, non, là je suis d'accord. Non, là, c'est condamnable. Ouais. Donc. condamnons ce qui est condamnable et arrêtons de prendre la tête quand il y a des pays où on brûle les homosexuels, où on les met en prison. C'est pire que le Moyen-Âge, mais pour moi, c'est aberrant. Et c'est vrai que j'ai une vraie révolte là-dessus. C'est vrai que c'est un combat, mais c'est pas un combat pour l'homosexualité, pour pour la liberté. C'est un combat pour la liberté, pour la tolérance. Comme je dis, vivre et laisser vivre. Voilà, et vivre et laisser vivre. Voilà. Et soyez heureux. Voilà, on n'emmerde personne, mais personne nous emmerde, et tout le monde respecte l'autre. Et ça, c'est très, très dur. Ma fille, elle a été sur la Shoah, mais c'est pareil. Ils ont eu une année, là, en CM2, sur la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, avec un exposé avec énorme, à 10 ans. Avec le film ? Avec... plein de reportages sur Nuit et Brouillard, à la Cinémathèque. Ils ont eu des témoignages de gens qui sont venus à l'école, qui étaient des juifs déportés, encore vivants, qui avaient sauvé des enfants, alors des Français qui avaient sauvé des enfants, et des juifs qui avaient été déportés, qui en étaient sortis, qui sont venus témoigner. Moi, j'ai trouvé ça énorme au début qu'ils fassent en CM2, hein. Vraiment énorme. Ça, je te dis 10 ans, c'est pour ça que j'ai et puis après, je me suis aperçu que ça leur apportait tellement de choses. Si ma fille, elle n'y croyait pas. Si tu peux réveiller quelqu'un à 10 ans, t'as mieux. Elle me disait, mais papa, si nous, on était juifs à cette époque-là, par exemple, on t'aurait pris, on t'aurait emmené et on nous aurait séparés, on nous aurait brûlés. J'ai dit, c'est ça. Elle me dit, mais comment des humains ont pu faire ça? Et je me dis, mais... Surtout quand t'as pas de réponse, hein. Quand c'est ça. Tes réponses. Et je me dis, mais on brûle les homosexuels, on a brûlé les juifs. Il y a des pays où c'est encore des guerres pas possibles. Et je me dis, mais comment on peut être juste humain et avoir, ne serait-ce que, comme si on choisissait où on essaie. Et juste se dire... Ah ben moi j'ai une supériorité parce que je suis hétérosexuel, parce que je suis de telle nationalité, peut-être de telle couleur. Mais on choisit pas où on est. Enfin nous on est blanc parce qu'on est né en France, mais on aurait pu naître en Afrique, on aurait pu et naître. Quelque part, mais... comme disait le Maxime. Exactement. Voilà, exactement. Surtout quand tu nais à quelque part, tu es malheureusement responsable du fait que la société est comme ça. Mais c'est tous les endroits petits. Moi, tu vois, je suis corse d'origine et j'ai vécu là-bas 20 ans. Hein, mais il y a aussi ça. Là, pourtant, nous, on a vraiment une tolérance par rapport au sud-est qui est très, très raciste. On est beaucoup plus tolérant. Mais inversement, il y a quand même ce truc de supériorité, de patrie, en fait. Enfin, de nous, d'insularité. Comme chez nous. Voilà, où on se sent. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, mais moi, je suis planétaire. Je ne suis pas corse, français. Ouais. Après, bien sûr, hein, que tu as un affect. Quand je rencontre quelqu'un avec qui je m'entends bien, qu'il est corse, bah évidemment que tu te dis, ah ben c'est cool. Mais voilà, ça s'arrête là, c'est cool quoi. C'est quand je suis parti à Paris, on m'a dit, à 20 ans, on m'a dit, fais gaffe, mais on peut te donner des adresses où il y a des bars corses. Je dis, mais j'en veux pas. Je pars pas pour des bars corses, je pars pour trouver des gens asiatiques, allemands, qu'est-ce que je m'en fous. Du moment qu'ils sont intéressants, qu'on a les mêmes passions, j'ai jamais été chercher des Corses ailleurs, ni en Corse d'ailleurs. Et quand l'été j'étais là-bas et qu'il y avait des touristes, souvent je sympathisais avec énormément de touristes allemands et tout. On me disait, ah non, mais toi tu passes ton été avec des touristes. Et je disais, je passe mon été avec des gens que je trouve intéressants. J'en ai rien à foutre qu'ils soient Corses, Français, Arabes. Touristes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre quoi. Enfin, tu vois, c'est. Et ce sentiment-là, c'est très rare. Enfin, j'ai l'impression que c'est. Je sais pas si c'est culturel ou quoi, mais ça me saoule que les gens ils aient ce côté. Alors moi, il y a des pays que j'adore par rapport à... Ben là, je vais à Berlin, j'adore par rapport à un côté artistique, par rapport à la chute du mur, ce qu'ils ont vécu, par rapport au passif et comment ils se sont réveillés aussi. Je les trouve encore plus modernes qu'à Paris, enfin en tout cas beaucoup plus underground aujourd'hui, mais c'est normal, ça vient de leur histoire, ils ont été tellement bridés. En Belgique aussi, ils sont super. En Belgique, ils sont super pour la musique. Ouais. Alors après, évidemment, j'aime aller dans ces endroits parce que j'y retrouve beaucoup de trucs, mais ça reste pas, enfin je dénigre pas les autres pays qui culturellement, par exemple, vont moins m'attirer parce que je me sens moins captivé par des choses. Mais ça, c'est juste, pour moi, c'est juste un goût perso, ça n'a rien de fondé, quoi, c'est purement subjectif. Je sais, moi, c'est toi, mais toi, c'est rien, plus rien. On parle plus, on baisse plus, et on voit plus rien. J'embrasse plus, tu t'ouvres plus, c'est rien, c'est rien. Dis-moi, tu veux qu'on se parle plus, qu'on oublie tout, enfin. Tu sais. navire si fort. Tu dis que jamais personne tu ne pourras aimer autant. Alors explique-moi pourquoi tu pleures. C'est rien, c'est rien. Je vais te serrer si fort et t'emmener chez moi comme quand chez moi c'était chez nous. Maintenant on vit chacun chez soi, on se donne des rendez-vous. C'est peut-être pas si mal, ça peut même éviter ce dégoût. À se voir tous les jours, on ne se voyait plus du tout. À se voir tous les jours, on avait tous nos nerfs à bout. Aller dans des endroits que j'aime. Moi, je suis plus attiré par les pays du Nord, pourtant je suis du Sud. Mais c'est vrai que je préfère les gens. Puis je préfère les gens un peu réservés, qu'on est obligé de gratter pour les voir. Que les extravagants. Voilà, que le Sud ou l'Italie. J'adore l'Italie, par exemple, parce que j'y ai été plein de fois. Je parle assez bien. Enfin, maintenant, ça fait longtemps que je n'y vais plus. Mais quand j'étais encore, j'y allais souvent. J'avais des copines italiennes. Et c'est vrai que j'adore. J'adore les rues. J'adore oui. Rome. J'adore. Vas-y, vas-y. Mais inversement, j'aime pas les marchés du Sud où on vient, on te dit ouais, alors mon frère, comment ça va, c'est juste pour te vendre 3 tomates. Non, je préfère quelqu'un dans la rue qui vienne et qui me dise excuse-moi, t'as pas une clope, parce qu'il est vraiment emmerdé. Après, j'aime pas qu'on vienne et qu'on me dise t'as pas une clope et qu'on me dise pas merci si j'en ai pas. Mais moi, j'aime le tutoiement, j'aime le rapprochement. Mais à partir du moment où c'est un feeling, enfin où les gens te voient. Et j'étais pareil, moi, mais j'ai toujours été fan de groupe, j'ai jamais été groupie. C'est-à-dire que quand il y avait des séances de dédicaces, c'est vrai que j'ai très peu de dédicaces chez moi, alors que j'ai vu plein de gens en dédicaces, et on me disait, mais va faire une dédicace. Et c'était peut-être prétentieux, mais je disais non. Moi, j'aimerais rencontrer les gens, juste qu'on échange comme on est là. Et je disais, tant pis, j'attendrai. C'était un peu utopique, mais quoique maintenant, quand je vois que j'ai rencontré des gens comme Manu, comme Buzy, comme Dominique Nicolas, ou Nicolas Sirkis, c'est vrai que finalement, tous ces gens, j'ai été proche d'eux. Nicolas, Sirkis, on a vécu 10 ans en voisins, on courait ensemble, même si aujourd'hui, on ne se voit plus parce que le temps s'est délité. Mais on a, en fait, c'est des gens qui sont intéressés à ce que je faisais, et moi, j'aime pas cette superficialité où tout le monde est pareil avec tout le monde, en fait. J'aime bien, après, je préfère avoir quelqu'un en face qui a une soirée qui ne me sente pas et qui prenne ses distances, que quelqu'un qui me sente pas et qui se la joue proche, parce que oui, j'ai horreur de ça. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas accrocher avec tout le monde, mais après on n'est pas obligé d'être gentil avec tout le monde. Enfin, on n'est pas obligé d'accrocher avec tout le monde. Par contre, on doit être respectueux de tout le monde, qu'on accroche ou pas, pas de jugement. Par contre, il y a un feeling. C'est sûr que si dans une soirée, tu accroches plus avec quelqu'un, tu vas plus aller vers cette personne. Après, ça ne veut pas dire en la découvrant qu'elle va être plus intéressante qu'une autre, que t'auras pas, vers qui tu n'auras pas été. Mais pour moi, le feeling, c'est important au départ. Mais après, c'est ce que les gens ont vraiment. Des fois, tu as des gens, tu vas directement vers eux, puis au bout de 3 mois, tu t'aperçois que finalement, il y a beaucoup de vent, beaucoup de mythos, beaucoup de... Eh ben, c'est pas grave. Tu as vécu un truc sympa. Moi, tu m'as vérifié. Voilà. Et puis, tu as vécu un truc léger qui était sympa le soir même. Eh ben, si tu t'aperçois que ça va plus, ben, faut savoir arrêter aussi ou garder ses distances. Je pense que chaque relation doit être en rapport avec ce qu'elle est profondément. Moi, il y a des potes que j'adore voir pour boire un coup. Et il y a des potes que j'adore emmener en voyage ou en vacances. Ça n'a rien à voir. C'est, y en a que j'aime voir en bande et je les apprécie vraiment parce que je trouve que quand ils sont pas là, ben, ça manque d'énergie, ça manque de jovialité, de couleur. Et inversement, j'ai pas envie d'aller boire un coup seul avec eux parce que ça me saoule. Enfin, leur extravagance me plaît en soirée, mais ça manque de profondeur. Ou moi, c'est pas ce que je recherche dans un... Moi, j'aime bien être en binôme avec des gens. J'aime bien, quand je pars en vacances, je pars plutôt avec un ou deux potes qu'avec une bande. Et voilà, et puis après, je suis un peu difficile à vivre aussi, peut-être, parce que quand j'écris, quand je pars en vacances, quand je dois écrire, j'aime bien avoir quelqu'un qui comprend ça, qui le respecte. Et j'aime bien pouvoir dire à la personne, écoute, cet après-midi, j'ai juste envie de m'enfermer dans ma chambre et d'écrire, ou de me mettre sur le sable à l'écart et d'écrire, voilà, je suis ailleurs. Et il y a des gens qui le comprennent, et moi aussi je le comprends chez des gens. Et il y a d'autres gens qui disent, mais non, on est ensemble en vacances, tu vas pas t'isoler une après-midi. Non, ce soir, viens absolument, sors. J'ai horreur comme force, en fait. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a des gens que j'adore voir et j'aime pas sortir avec eux. Enfin, j'aime pas partir une semaine avec eux parce qu'ils m'étouffent, en fait. Ils sont trop dans la fête tout le temps. Et moi, j'adore la fête, hein, j'adore. Mais... après j'aime bien, après une fête, j'aime bien rentrer et après j'ai besoin de 2 jours où je m'isole, de me ressourcer. J'ai envie d'écrire sur les sentiments que j'ai eus ce soir-là, mais j'ai pas envie d'enchaîner ça. Je peux pas enchaîner ça un mois, quoi. Enfin, c'est, tu vois, c'est... Qu'est-ce qui t'a fait prendre des crayons pour cet album-là? Eh ben, pour cet album-là, justement, c'est... Je sais pas si c'est pour cet album-là, c'est que, en fait, dès que je vis des trucs forts, j'ai envie de d'écrire tout le temps. Mais que ça soit pour un album ou pas. Je vois un carnet de notes. Et je pense que là, je sortais d'un bouquin, donc j'avais plus envie de faire un disque parce que ça s'écrit plus vite. Et j'avais vécu 6 mois à écrire ce bouquin, 6 mois, non. Les corrections, ça a été dur aussi parce que écrire le premier geste, c'est bien, mais après, un bouquin, c'est long. Tu relis, tu dis ah non, mais ça, c'est pas bien. Donc du coup, tu restes. La correction, elle dure autant que l'écriture, donc en gros, 1 an. Et j'avais envie de musique aussi pour sublimer ça, même si on avait beaucoup dans le bouquin. Le bouquin, tu l'as lu ou pas? Oui. Ah non. J'aurais dû te l'emmener. Je n'ai pas pensé. Mais je te le ferai. Je te le ferai envoyer. Pas de problème. Toi, tu lis sur liseuse ou tu lis sur papier? Moi, c'est un livre. Toi, c'est un livre. Hein, oui, malheureusement, je suis encore. Non, mais je te dis ça parce qu'en fait, en livre, j'en ai très très peu. Je dois en avoir une dizaine. Non, mais je commençais à me dire, mais qu'est-ce qu'il me dit là? Okay, non, mais parce qu'il y a plein de gens. Tablette, là, ouais, moi, j'aime pas ça. Mais voilà, aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de gens qui lisent sur liseuse. Ouais. Moi, je suis très papier. Hein, donc, moi, je suis papier, disque, l'objet. Je suis à l'ancienne là-dessus. Alors, qu'est-ce qui t'a fait prendre le crayon? Eh ben, en fait, je m'étais dit, bon, ben voilà, j'ai fait un bouquin, c'est quand même plus une fiction. Et je me suis dit. J'avais envie de faire un bilan, en fait, sur les relations, parce que moi, j'ai des relations très fortes depuis des années. Enfin, j'ai des amis, ma meilleure amie, je la connais depuis 20 ans, mon meilleur ami avec qui je parle là, à Berlin, c'est le frère de mon premier guitariste avec qui j'ai fait Madinka, mais c'est son frère, hein, et qui est musicien aussi, mais que je connais depuis 22, 23 ans. Et c'est vraiment mon meilleur ami dans le sens où je lui dis tout, on est très très respectueux, on peut ne pas se voir pendant 4 mois, mais il n'y a rien à alimenter, tout est d'une évidence, c'est normal. Rien découpé, on se rejoint, donc on prend mes appels. Et j'ai eu d'autres, pour rejoindre ta première question, il y a eu d'autres relations qui ont été très fortes, mais qui ont été très courtes. Voilà, des relations d'1 an, de 2 ans, voire de 3 mois. Qui ont été très très intenses, presque fusionnelles. Ah ouais, en fait, moi je peux aimer ça, même si après j'ai du mal à être fusionnel avec les gens parce que c'est un peu le sujet que je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. j'adore. En fait, j'adore l'amour qui peut durer très longtemps, mais j'adore la passion qui fait que tu rencontres une personne que tu ne savais même pas qu'elle existait 2 heures avant, tu la rencontres et pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, tu n'as que ça dans la tête. Dès qu'elle n'y est pas, elle te manque. J'adore ça, je trouve ça fascinant. Après, je trouve ça très très difficile à vivre. Je trouve que c'est pas fait, bizarrement, c'est voué avec l'expérience. Hein. Soit ça se transforme, soit si ça reste comme ça, c'est voué à l'échec. Mais c'est blessant, c'est dur à... C'est très très dur, très très dur. Ouais. Moi j'ai eu ça, hein, aussi bien avec des garçons qu'avec des filles, aussi bien en amitié donc qu'en amour. Le soleil est comme toi, il m'éblouit. Alors je t'imagine. Et toi, t'arrives-t-il de penser un tout petit peu à moi ? Donc, en fait, je me suis dit, c'est marrant parce que depuis l'adolescence, c'est aussi ce qui te fait maintenir en vie parce que tu te dis, moi j'aime pas les choses banales, c'est soit des choses très sereines, très établies mais fortes, soit des choses compliquées mais à vivre, mais fortes quand même. Moi, j'aime pas les relations, il en faut hein, dans la vie, mais j'aime pas qu'il y ait que ça. Voilà, un amour de 10 ans essoufflé, où tu es juste en colocation, où tu ne traites plus. Tout ça, ça me gonfle en fait. En général, je coupe. Hein. Je ne suis pas du genre à garder... Quand juste une vie à vivre, donc il ne faut pas l'oublier à chaque fois. Hein. C'est pour ça qu'il voilà, faut, c'est ça. Pour moi, il faut vivre. Ouais, même si je préfère quelque chose de compliqué et de fort que quelque chose de simple et de fade. J'ai horreur de ça. Donc, je me suis dit, mais même avec ma fille, hein, autant tu as une relation de parents, mais on vit plein de choses. Je l'emmène en studio, elle fait de la musique, là, elle a composé un morceau dessus. C'était pas, je lui ai pas dit, je l'oblige à rien, je lui ai pas dit, vas-y, fais-moi un morceau. J'ai juste dit, viens faire des voix si tu as envie, mais encore une fois, c'est parce que quand je composais le morceau, elle chantait dessus sur le refrain. Elle adorait ce refrain, je lui ai dit, bah, viens le faire en studio si tu veux. Et un jour, comme elle joue au conservatoire, elle joue mieux que moi du piano d'ailleurs, même à 10 ans, et elle faisait un morceau. Et au bout de 3 jours, moi j'écoutais, mais je bossais dans mon bureau, je lui ai dit, mais putain, j'adore, c'est quoi ce morceau que tu fais depuis 3 jours? C'est parce que j'ai dit, c'est marrant, c'est moins classique que le conservatoire. J'ai dit, c'est marrant, ça a des accents pop. Elle me dit, ah non, mais ça va pas, c'est moi qui l'ai composé. Et elle a un carnet, en fait, où elle commence à écrire des textes, elle appelle ça mon carnet violet. Il est posé sur le piano, et elle m'interdit de le regarder, et elle compose des morceaux avec des bouts de texte, à 10 ans. C'est bon. Et donc du coup, et je lui ai dit, voilà, et je lui ai dit, putain, mais j'adore ce morceau, je dis, vas-y, t'as commencé à écrire et tout. Alors il y en avait deux, enfin il y en avait plusieurs, mais il y en avait deux qui me plaisaient, et un, il y avait surtout une descente que je voulais, je lui avais dit, tu peux me la donner pour un de mes morceaux, j'adore. Et elle m'a dit, au départ, je le voulais pour la fin où Buzy parle, là, l'écho d'un lien enfui, je pensais prendre juste cette descente, parce que j'aimais pas trop ses couplets, mais j'adorais cette descente. Elle m'a dit, ah non papa, c'est mon morceau, je vais pas tout te donner non plus. Et j'ai dit, ah ouais, je lui ai dit, ok, pas de soucis, mais elle s'en foutait que ça soit sur le disque ou pas, elle s'en branle. Pour elle, elle a toujours été élevée là-dedans, elle voit beaucoup Manu et tout, donc elle va pas dire à ses copines, hier j'étais en studio. Non, non, non, pour non. Elle, c'est un jeu. Oh, oui. Voilà, et c'est puis normal, c'est normal. Normal. Mais pour elle, voilà, puis elle voit qu'on galère aussi, enfin qu'on n'est pas plein de thunes. Donc pour elle, c'est top, ça lui plaît qu'on puisse aller à des concerts, qu'on connaisse des gens qui fassent de la musique. Mais c'est pas, va pas dire à ses copines, ouais, mon père c'est il est musicien, non, pas, ah, pas du tout. Et ça lui plaît, voilà, point barre. C'est un milieu qui lui plaît, elle est contente de vivre là-dedans, mais pour elle c'est normal. Et par contre, celui-là, je lui ai dit, vas-y, t'as fait une mélodie de chant dessus et tout. Elle me dit non, j'ai dit alors, on essaye de faire une mélodie de chant et on a fait Rencontre-moi, qui est le 10e ou 9e morceau de l'album. Et ça, on l'a écrit vraiment tous les deux, moi, mais elle avait tout fait la musique. Après, les arrangeurs, Nicolas qui a bossé avec moi, il a mis des guitares, des grosses basses, c'est bizarrement le plus rock de l'album, alors qu'il a été fait par elle au piano. Mais tout, le refrain et tout, elle avait tout, et moi j'ai juste fait la mélodie de chant et le texte. Et ça, j'adore, parce que c'est tout con, hein, parce que pour nous, c'est le quotidien, mais pour moi, si je me dis, ben, j'ai pas juste une fille pour lui donner la douche, pour corriger ses devoirs, c'est excellent, quoi. C'est excellent et... C'est renversant, du coup. Ben, moi, je me dis... C'est surprenant, pas renversant, c'est surprenant. Ouais, et puis je me dis, c'est génial. Enfin, j'aurais même pas espéré ça. Enfin, j'avais envie d'un enfant, et là, tu te dis, putain, je me retrouve à faire de la musique avec à 10 ans. Enfin, elle est venue rentrer après. Par contre, tu vois, c'est tendu aussi, parce que pour rentrer les pianos, elle les avait composés, mais il fallait être en place. Et elle m'a dit, oh, je pourrais les rentrer en studio. Voilà, elle m'a dit, j'aimerais bien, comme c'est mon morceau. Je lui ai dit, ok. 15 jours avant, elle bossait pas, parce qu'elle bossait pour d'autres trucs. Je lui ai dit, par contre, je te le dis direct, si t'es pas au point, moi, je paye le studio, j'ai des gens qui bossent. Si t'es pas au point, je prendrai un pianiste qui le rentrera. Parce que moi, je vais rentrer les miens, mais le sien, je n'arrivais pas à le jouer. Enfin, il était plus compliqué que, les miens. Je lui ai dit, moi, je prends un pianiste qui le rentrera, mais je peux pas garder deux jours. Ouais, et du coup, je lui ai dit, donc, pas d'histoire, moi, je t'oblige pas à le faire, mais si t'es pas prêt, si tu le bosses pas au métronome et tout, tu le rentres pas, mais tu seras quand même à la SACEM, etc. Quoi. Alors, j'ai dû l'inscrire à la SACEM, c'est rigolo, parce que t'es obligé de la faire signer, de signer toi en tant que mineur. C'est très rigolo, et du coup, elle m'a dit, bon, ben, ok, non, mais je le bosse, parce que là, elle était dégoûtée de pas le rentrer. Et elle a bossé, mais je lui ai pas dit, il faut que tu bosses pour le rentrer. Non. Si tu le fais pas, c'est voilà, pas grave. Voilà, si t'as pas envie de le faire, c'est quelqu'un d'autre qui le rentre, c'est quand même toi qui l'a composé. Puis bon, elle a eu envie de le faire, elle l'a rentré sur l'album. Et du coup, c'est assez rigolo. Donc je me suis dit, j'ai fait un bilan sur ça, sur toutes ces choses fortes que tu vis normalement, mais où tu te dis, quand tu prends un peu de recul, et aussi on est obligé, nous, d'en prendre tout le temps... pour pas te laisser la tête dans le guidon, pour pas te dire j'arrête la musique parce qu'on gagne rien, ou je galère, ou enfin comme tous, parce qu'il y a des moments où c'est galère quoi. Et je me suis dit, putain, il y a des histoires que j'ai perdues, des gens que j'ai perdus, mais finalement, même si sur la fin c'était violent, parce qu'une passion c'est toujours violent quand tu la casses, et je me dis, mais rien que d'avoir vécu ça, 2 ans, 3 mois, 10 ans, je me dis, putain, je m'aperçois, même la mère de ma fille, je suis séparé, mais on habite à 30 mètres, ma fille, elle passe d'un appart à l'autre, on s'entend super bien, voilà, et je me dis, rien que d'avoir ça, ou des rencontres comme Manu, par exemple, en 2017, j'ai rencontré Manu, Buzy, je me dis, putain, Dominique Nicolas, que j'adore, enfin, pour moi, je l'ai jamais connu, hein, parce que j'ai vu Indochine en concert petit, mais je lui aurais jamais parlé. Quand j'ai connu Nicolas, c'était en 99-18, donc Dominique était déjà plus là. Et Dominique, c'est un pote, Adrien Vio, que tu dois connaître, Vio, enfin, qui a fait les premières parties de Tiano, tout ça, et qui me dit, écoute, tiens, regarde, sur Facebook, j'ai vu qu'il y avait Dominique Nicolas, je sais que tu adores son son, moi aussi j'adore. Je lui dis, ah putain, je faisais le premier EP, je vais lui demander de me faire un remix de Amant Secret. Enfin, à l'époque, je lui demandais un peu ce qu'il voulait. Et je lui envoie un message. Et le mec me répond tout de suite en me disant bah, si tu veux, on s'appelle, voilà mon numéro et tout. Donc je l'appelle. Et là, il me dit je te la fais volontiers. Il me dit par contre, Madinka, je continue à suivre un peu ce que Indochine prend en première partie. Il me dit c'est le groupe que je préfère. Et il m'a dit j'adore ton écriture. Écoute, moi je suis sur un album. J'ai plein de textes, mais j'écris pas. Et plein de textes bien, mais j'ai pas d'unité. Et on a discuté, alors que le mec se couche super tôt, il n'est pas bavard. Et on a discuté, je crois, je l'ai appelé à 9h du soir. On a discuté jusqu'à 2h du matin, première fois qu'on se parlait. Et à la fin, il me dit, à la fin de la discussion, mais on avait l'impression qu'on se connaissait depuis 10 ans. Et pareil, il m'avait dit, premier jour, il m'avait dit, putain, c'est fou, on a 12 ans ou 13 ans d'écart. Et il me dit, j'ai l'impression que tu as vécu les mêmes choses au même moment. Et je lui dis, bah ouais, mais tu sais, mon gars, moi, ma soeur, elle avait 6 ans de plus. Et quand j'avais 10 ans, la musique, c'était tellement une passion qu'à 10-11 ans, j'achetais mes disques de Pure. Enfin, c'est vrai que j'avais plus des goûts d'ado que d'enfant. Et à la fin, il me dit, écoute, j'ai des textes à écrire. Est-ce que tu peux m'en envoyer un? Et après, on voit. Alors, j'ai dit, bah, avec plaisir. Enfin, c'est un honneur, quoi. Et donc, du coup, je lui envoie un texte. Et 2 jours après, il me rappelle. Il me dit, écoute, Noël, j'ai un truc à te demander. En fait, je voudrais savoir si tu pourrais venir en Corrèze et m'écrire tout l'album. Je lui ai dit, mais Dominique, t'es ouf, quoi. Enfin, moi, quand j'avais 11 ans, ton son de guitare sur le Péril jaune... Ne vois-tu pas que tu ne m'aimes pas de trop m'aimer? Ne me touche pas, je ne t'effleure plus. Tu sais combien on s'est connu. Ne m'attends pas, ne m'attends pas. aucun secret. On aurait dit, on l'aurait juré, jamais au loin nous arrêter. Me vois-tu pas que tu ne m'aimes pas de trop m'aimer? Me vois-tu pas qu'on s'aime quoi qu'il advienne? Moi j'exclus. Ne m'en veux pas, on a tout foutu. Je garde intact mes choses aimées. Ne vois-tu pas que tu ne m'aimes pas de trop m'aimer? Ne vois-tu pas qu'on s'aimait quoi qu'il advienne? Ne vois-tu pas que tu ne m'aimes pas de trop m'aimer? Ne vois-tu pas qu'on s'aimait quoi qu'il advienne? Pour moi, à 11 ans, ça... en plus j'étais fan de Taxi Girl avant, et Seppuku c'était l'Asie, mais version très noire en fait. Et j'adorais en tant qu'enfant qu'Indochine rajoute de l'exotisme positif, nerveux, un peu post-punk, même si beaucoup de gens ont dit que c'était variété. Pour moi, à 11 ans, c'était l'exotisme, des tempos hyper rapides, ces petits sons chinois, j'adorais ça. Et je lui ai dit, mais vu comment tu m'as marqué avec tes compositions à... Et puis moi, j'étais pas groupie, j'étais fan. J'ai dit donc que c'était pas Nicolas Sirkis parce que c'était le chanteur. C'était Nicolas Sirkis pour les textes et la voix. Et Dominique Nicolas, moi, je lisais les pochettes, je regardais un peu ce que tout le monde faisait. Donc j'ai dit, moi, c'était autant toi que Nicolas. C'était pas le chanteur devant, etc. J'ai dit donc, pour moi, c'était votre histoire. C'était ce que la chimie qu'il pouvait y avoir entre la musique et la voix. Et la chimie qu'il pouvait y avoir entre la voix, les textes et la musique. Et donc du coup que ce mec-là me demande 20 ans après, voilà, moi j'avais 40 balais ou 38, et que ce mec-là me demande de faire les textes alors qu'à 11 ans je regardais ça à Platine 45, enfin à la télé, pour moi c'est magique, je me dis putain la vie vaut le coup d'être vécue quoi, tu vois. Et après, bizarrement, tu oublies ça. C'est-à-dire, quand j'allais en Corrèze, on parlait d'amis en amis, parce que moi j'aime pas les gens qui se prennent pour des stars, et Dominique, c'est pas son cas. Une fois que tu discutes avec les gens, t'es d'humain à humain, voilà. Et moi, quand je rentrais en Corse à cette époque-là, et que les gens me disaient, mes potes d'enfance me disaient, mais tu réalises que tu nous as tellement saoulés avec Cure, Indochine et tout jeune, mais comment tu réalises que ce mec-là, il te demande d'écrire ses textes, mais c'est juste une destinée de fou. Et moi, là, pour le coup, c'est là que j'en prends conscience, parce qu'au tout début, quand il me dit écrire les textes, bah, t'es comme un ouf. Pareil, hein, Buzy, quand elle m'a envoyé un mail, pareil, elle m'a envoyé. C'est Manu, donc elle se rencontrait, mais elle ne se connaissait pas trop, qui lui dit je vais produire un audiobook. Tiens, je te donne le bouquin papier. 48 heures ou 24 heures après, Manu m'envoie. Buzy, on se connaissait comme ça, hein, par Facebook, on se connaissait pas. Elle m'envoie un truc et elle me dit je viens de lire ton roman, écoute, je suis fasciné, ça faisait des années que je n'avais pas lu un roman qui me plaisait autant. Je te donne mon numéro, on peut en parler si tu veux. Pareil. Et ça, c'était l'an dernier, quoi. Et du coup. Putain, moi, Buzy, j'ai tous ces vinyles de Plexic. Moi, j'étais fan d'Adrian, fan de cet album, quoi. Mais j'adorais sa manière sensible. Et c'est marrant parce que... Bonjour. Oui, allez. Okay, ah, ouais, c'est son rendez-vous. Oui. Hey, j'ai une petite question de la fin, on va voir où ça nous mène. Si tu étais un liquide... Deux? Un liquide, si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Ah, c'est marrant, je serais... alors là, pour le coup, ça va pas être très rock'n'roll, mais un jus d'orange pressé. Ah, ben comme j'ai bu. Parce que pour moi, il n'y a rien qui me fait plus triper. Pourtant, j'adore faire la fête, boire de, voilà, du vin rouge, tout ça. Ouais. Pour moi, il y a quand je me lève le matin, quand il n'y a rien de plus tripant pour moi au goût que de presser une orange et de la boire. C'est vrai. Pour moi, c'est, tu sais, chaque fois que je bois un jus d'orange, je m'imagine dans une... dans un espèce de paradis où il n'y aurait que des fruits et où il y aurait des fontaines qui couleraient de fruits pressés, en fait. J'adore les fruits, j'adore les jus de fruits en général, mais le jus d'orange, c'est ce qui me réveille. J'ai sommeil, je bois ça, j'ai la pêche, ça même mentalement, ça me ouais. Si tu étais une ville Si j'étais une ville, une capitale déjà, mais ça pourrait être autant Paris que Londres que Berlin, quelque chose où la mixité et la diversité peuvent cohabiter. Si tu étais une langue. Alors bizarrement, l'allemand, parce que j'adore. Je regarde plein de films en sous-titrage et je ne comprends rien. Je suis nul. Mais c'est la langue qui te fascine. C'est la propulsion des mots, hein. Je sais même pas la lire. C'est-à-dire que j'adore l'écouter. Je regarde plein de films en VO. Tous les autres langues, l'italien, ça rentre. Et l'allemand, je ne comprends rien. Je ne la mémorise pas. C'est comme les maths pour moi. C'est un autre langage d'une autre planète. Mais j'adore ça. Je trouve ça hyper beau. Si tu étais une époque. Ah, alors facile. Une époque où j'aurais aimé avoir 18, 20 ans à cette époque-là, c'est 75-81. C'est précis. Ouais. Si tu étais un aliment. Un quoi? Un aliment. Un aliment. Végétal. Forcément, enfin je suis pas végétarien, mais je préfère, je suis pas non plus un gros carnivore. Je dirais un fruit. Si tu étais une saison. Le printemps, sans aucun doute. Ouais. Si tu étais un membre corporel. Un quoi? Un membre corporel. Ah, un membre corporel. Un visage. Un regard, ouais, les yeux. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée. Le soir, fin d'après-midi, entre chien et loup. Quand le jour meurt et que la nuit. Parce que moi je suis très nocturne. Mais j'aime la lumière. Donc je suis solaire quand même. Hein. Je suis pas dark. Je suis. Donc entre chien et loup, quand le jour s'en va et que la nuit arrive. Si tu étais un autre individu. J'aimerais pas être une autre personne. Toi-même. Mais quelqu'un. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, hein, parce que je suis pas hyper. J'aimerais changer plein de choses, mais non. En tout cas, quelqu'un qui puisse autant ressentir les choses que quand elles me viennent en pleine gueule. Donc non, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre, mais plutôt de rencontrer des individus que j'admire, plutôt les rencontrer et échanger avec eux que être eux. J'ai jamais eu envie de. Même quand je voulais faire de la musique, j'avais envie de. Il y avait des gens qui étaient des moteurs pour moi, mais j'ai pas d'envie d'être quelqu'un d'autre. Dans leur peau. Non, mais c'est parce que je suis vraiment fan de ce que les gens sont et font. Et je suis absolument pas groupie, donc non, je suis pas ça. Noël, je te souhaite de très belles vacances à partir de demain. Ben moi aussi. Profite-en. Je te souhaite de très bonnes vacances. T'es pas en vacances? Après mes rencontres, c'est des vacances. Mais là, c'est beaucoup de travail. D'accord. C'est à peu près 6 mois de travail pour rencontrer tout le monde. J'ai tout à poser les horaires. Et comment tu fais ça? Alors juste, après je te laisse aller. Oui. Comment tu fais pour tes interviews là? Parce que t'as rien noté, t'as pas enregistré. J'ai enregistré, c'est ça ici. Ah oui, c'était un enregistreur, d'accord. Ben oui, okay, ouais. Ben oui, fais-toi ça. Oh, t'avais pas regardé? Ah ben non, je croyais que c'était une mascotte. Non, pas du tout. Mais c'est trop beau. Ben oui. C'est très bien, on l'oublie avec tous ces balles. Ah non, je croyais que c'était une mascotte que t'avais, je trouvais ça adorable. Non. Que t'emmenais à toutes tes interviews. Non, c'est comme l'éléphant avec la trompe levée. Non, pas du tout. D'accord. Non, c'est tout enregistré. Je pensais que c'était un truc typiquement québécois. Tu t'attendais que je sorte le magnéto? Ah non, ben non, parce que souvent quand je fais des interviews, les gens ont un dictat. Mais là, c'est la radio. Ben oui, mais je me disais que tu faisais peut-être des reports, toi, à la radio. Non. Ça, c'est deux micros croisés. D'accord, ok. Hey, merci d'être passé à mon émission. Ben non, mais attends, tu rigoles ou quoi? Merci à toi. Et puis, je prends des photos aussi. Je fixais droit devant à travers le pare-brise. Le ciel est beau, la lumière blanche, un pur soleil d'hiver. Je me suis retournée vers toi et plongée dans tes yeux, j'ai dit non. Qu'attendais-tu que je dise ? S'ils avaient su quand ils se rencontrèrent, auraient-ils seulement fui la lumière de l'éclat blond de leur peau d'hiver et ce mystère ? Mais le grand amour me prévient jamais. Faut-il couper court ? Courir à regret ? Car à fuir l'amour ne pas le faire. Quand si fort il se respire, que ni principe ni sans-père ne sont en droit de l'interdire. Ils eurent comme le goût amer d'un soi-même se maudire. Leur jeu d'affection solaire qu'ils voulaient ainsi définir. Mais c'était mentir, un peu mentir. Juste pour sentir le vent longtemps et non l'attraction terrestre. Juste pour figer le temps qui tend à ne dire que ce qu'il reste. Ils suivent tous deux les vents contraires, dans ses respires les moments volés s'échappent dans des machines en fer. Comme vers l'éternité, ils volaient suivre les vents contraires de ce qu'Éole voulait leur souffler. S'endorment dans un lit unitaire où leurs rêves peuvent enfin s'épouser, comme dans l'éther. Oui, le grand amour le plus insensé, quels que soient les détours, il ne meurt jamais. L'amour ne pas le faire quand si fort il se respire, que ni principe ni sans père ne sont en droit de l'interdire. Ils eurent comme le goût amer d'un soi-même se punir. Leur lien d'affection solaire qu'ils voulaient ainsi définir. Mais c'était mentir, un peu mentir. Juste pour sentir le vent longtemps et non l'attraction terrestre. Juste pour figer le temps qui tend à ne dire que ce qu'il reste. Ils s'aiment, ils s'aiment. Ça commence sur le bord de la mer, comme un sitcom pour prépubère, et c'est une envie planétaire. Ça se poursuit le soir autour d'un verre, dans la plus légère des atmosphères, en tête à tête, que veux-tu faire? On a la force de tout l'univers, on est les plus beaux, les plus fiers, la lune c'est déjà délétère. Alors comme sur le bord de mer, avec l'arrivée de l'hiver, des vagues explosent dans l'air. Tous les Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.